l'hiver, que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Exactement. Du comics sensuel. Et vous l'avez entendu, salut Mathieu. Salut. Comment ça va Mathieu? Bien, et vous? Tu viens de perdre le J'ai perdu la voix. Ah, voilà. Alors on essaie de me censurer, c'est ça? Exactement. En face de toi, il y a Bertrand. Salut Bertrand, comment salut, ça va? Salut, ça va très bien. Et en face de moi, il y a Juni. Salut Juni. Vous entendez ou pas? Ah, oui. Bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Et cette semaine, on vous parlait de feux de camp, de marshmallow grillés, de trucs comme ça avec Lumberjane. Mais avant, on va commencer, comme d'habitude, avec les news. Et j'avais commencé mes news avec une news que j'avais déjà dit la semaine dernière, mais je vais quand même la redire parce que c'est important, il faut signer cette putain de pétition. Je vous en avais parlé la semaine dernière, du coup, c'est Batman contre le fantôme masqué qui devait être réédité en Blu-ray, avoir un des chefs-d'œuvre de l'animation de chez DC en Blu-ray, ça aurait pu être génial, mais malheureusement Warner n'a pas voulu que ça sorte en France. Et il y a une pétition, il y a plus de 500 signatures, mais c'est vraiment pas assez. Allez signer cette putain de pétition pour qu'on puisse avoir enfin ce Blu-ray. Donc voilà, il y a un article sur le site, allez sur le site, je vous ai tout bien expliqué comme il faut. Donc vous allez sur le site web comicsdiscovery.fr, vous retrouvez tous les liens, vous allez signer la putain de pétition pour qu'on ait enfin ce putain de Blu-ray, parce que j'ai vraiment envie de me l'offrir. Donc voilà, sinon je vais devoir me l'acheter en zone 2. Bah achète-le sur Amazon. Ouais. Mais il y aura pas la VF, la VF de Batman le dessin animé quand même. Bof. Même cette VF là, moi c'est celle que j'ai connue quand j'étais petit, donc c'est encore nostalgique tout ça. Je voudrais la voir, mais on va passer à une autre news un peu moins réchauffé. Alors je vous avais parlé il y a plusieurs semaines du film Hellboy, donc la licence Hellboy, qui après les deux merveilleux films de Guillermo del Toro, qui va être rebooté avec un nouveau film, avec cette fois Neil Marshall à la réalisation. Et Neil Marshall, vous le connaissez peut-être pour 2-3 films d'horreur, dont notamment The Descent. Et on n'en avait pas eu trop de news, à part les photos de la préparation de maquillage de David Harbour, qui fera le rôle titre. Mais le réalisateur s'est exprimé et on a appris que le film serait rated R, donc interdit moins de 17 ans. Merci Deadpool. Ouais, voilà, c'est ce qu'il disait, c'est que Logan et le réalisateur disait que le succès de Logan et Deadpool a réussi à convaincre les producteurs à faire un film rated R. Il n'avait pas forcément envie de partir sur ce genre de film, mais ça collait plus à son univers à lui et à l'univers de Deadpool, qui est quand même un peu sanglant quand même. Hellboy et tout ça. Mignola. Et il a dit un autre truc qui, moi, je trouve ça vraiment cool, c'est qu'il essaierait de faire le moins d'effets spéciaux possible, et je le cite, il a dit: il y aura le plus d'effets pratiques possible, j'aime travailler avec ma caméra quand c'est possible et utiliser les effets spéciaux comme un outil incroyable pour améliorer et étendre le monde, mais pas pour remplacer la réalité, surtout quand on peut le faire pour de vrai. Et je trouve que c'est une super super nouvelle, parce que ça continue un peu l'esprit de Del Toro qui faisait beaucoup de il y avait eu beaucoup de, justement d'effets pratiques avec des animatroniques, tout ça, et je trouve ça tout intéressant. Ouais, d'autant plus que le comics en lui-même, c'est pas du Avengers, quoi. C'est pas très flamboyant en termes de... Enfin, c'est vachement plus des jeux de lumière, des jeux d'une ambiance inquiète, une ambiance un peu glauque, un peu oppressante. Donc c'est, mis à part deux trois strums, tu as plus tôt tendance à les deviner qu'à les voir vraiment à l'écran. Donc effectivement, moi c'est bête, mais c'est un truc qui m'avait un peu gêné avec le 2. C'est la fameuse scène où ils sont dans la rue et que l'espèce de machin, là pour le coup ça pète un peu dans tous les sens. Bon, il y a 2-3 scènes dans le comics qui en voient, mais c'est souvent, voilà, t'as quelques couleurs, quelques crayonnés, l'éclairage qui est assez subtil, donc ça pète un truc un peu plus intimiste entre guillemets, ou un peu plus suggéré, ça pète vachement bien. Ok, et toi Johnny, qui est très fan de Mignola? Mon seul critère, ça va être, c'est un truc de fanboy vraiment, mais les pieds de Hellboy, à l'époque ils avaient essayé de les faire en sabots comme le perso d'origine, et là maintenant ils peuvent avec la motion capture ou un truc de ce style. Il y a totalement moyen de faire des vrais bons sabots et de justement bien utiliser tous les éléments qu'ils pouvaient pas faire avant. Donc la grosse question maintenant, c'est à quoi ça va ressembler visuellement, je pense, et comment ils vont adapter l'histoire, parce que vu ce qu'ils ont décidé de mettre en scène, c'est pas simple. Exactement. En tout cas, ça, c'est plutôt de bon augure. Plutôt de bon augure, je trouve. Bertrand, Hellboy, ça te parle pas du tout ou... Si, j'ai vu les films, les premiers. Mais t'as pas lu les comics? Non, je fais les comics, donc moi le problème, j'ai toujours Ron Perlman en tête, donc ça va être bizarre de me. Ouais, David Harbour, il a une tête un peu dans le même style que Ron Perlman. Ouais, ça a l'air plus ou moins dans la continuité. Ouais. Ouais, c'est vrai que Perlman. On a vérifié avec une règle. Ouais, on a pris des photos de face et puis on a vérifié genre, les mesures, des proportions du visage et tout. Ça, c'est bon, tu es pris. Je sais pas qui c'est, tais-toi, tu es pris. D'accord. Bon voilà, bon, on va passer à une autre news. Et on reste dans les films un peu sombres puisque c'est Matt Reeves qui est actuellement en train de en pleine promo pour son film. Et je pense que c'est le blockbuster que j'attends le plus de cet été. C'est War of the Planet of the Apes. Et je crois que je ne suis pas seul autour de la table à attendre ce film avec impatience. Et comme il est en pleine promo, il a un peu parlé du film qu'il est en train de reprendre. Donc le film autour de Batman, et il a dit que depuis le départ de Ben Affleck en tant que réalisateur, ils avaient complètement réécrit le script, et que selon le nouveau script, ce serait un film qui serait beaucoup plus dans une ambiance très noire et très introspective, et qui montrerait que malgré tout ce qu'on peut dire, Batman est le plus grand détective du monde, et que ce serait un film où ce serait vraiment ce côté-là qui serait mis en avant, le côté détective de Batman, donc moins un truc un peu flamboyant et explosif à la Snyder, mais un truc plus intimiste et plus sur la psyché de Batman et sur ce côté détective, et moi ça me hype beaucoup. Enfin, en même temps, oui, t'en faut pas des masses, il faut pas des masses pour me hyper sur Batman, mais regarde un nuage en forme de Batman. Oh, c'est trop bien. Non, mais je trouve franchement que l'objectif, enfin le délire vers quoi il part, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, moi j'avoue que Ben Affleck en Batman, c'est, j'avoue que moi il m'a plu. Alors après, c'est vrai que c'était une période de sa vie où il était pas loin d'être Batman, c'est-à-dire complètement dépressif et borderline. Il va falloir qu'il arrive à retrouver un peu ce côté-là dépressif. Il va rappeler sa femme pour qu'elle. Il a un peu perdu de crédibilité depuis qu'il a tué 15 personnes dans le dernier film quand même. Hein. On va rebooter. J'aime bien comment il passe au-dessus, ça n'est jamais arrivé. Ouais, non, mais moi BVS, aucun. On va pas repartir sur non, ce. Non, mais pourquoi pas? Matt Reeves, c'est un bon gars. C'est vrai que son dernier Planète des Singes était plutôt bien. Ouais, et le prochain a l'air vraiment bien. Moi, j'ai vraiment de l'air voir. Vraiment intéressant. C'est l'un des rares trucs qui me hype pour l'instant chez Warner. C'est ce machin-là. Il y a quand même moyen de faire un truc sympa, surtout si effectivement il s'éloigne un peu de Zack Snyder et ses villes rasées par paquet de 12. Ça fera du bien un peu. Et donc Bertrand, toi, ça, qu'est-ce que ça te... Ah, je suis pas un aficionado de Batman, mais je regarderai avec plaisir. Ok. Faut bien se cultiver un peu. Et ben on va rester sur Batman. De toute façon, tu étais viré l'émission. Voilà, exactement. On va rester sur Batman. Je vais vous parler de plusieurs titres qui sont alléchants chez Batman. Et donc Sean Murphy avait annoncé sur Twitter que tout son temps était pris par Batman en ce moment, puisqu'il travaillait avec Scott Snyder sur ce qui devait être All-Star Batman, mais qui finalement va s'arrêter au 14e numéro, et qui va se transformer en une espèce de nouveau format prestigieux où Scott Snyder pourra s'amuser avec ses potes dessinateurs. Donc apparemment il va collaborer avec pas n'importe qui, puisqu'on entend parler de Liber Mero, Paul Pope, Aoufa Richardson et Sean Murphy, donc pas n'importe qui. Et apparemment ils vont lancer une espèce de ce qu'il appelle un nouveau format prestigieux, donc à mon avis plus dans le graphic novel. Traduction, je vais vous pomper 5 ou 6 dollars par épisode et tu vas kiffer. Et oui, bah oui, mais de toute façon, c'est Scott Snyder. All-Star Batman, c'était ça, hein. C'était une espèce de couverture semi-cartonnée pour effectivement un comics, un petit backup, et c'était quasiment 5$. Et là, pour le coup, et apparemment, c'était pas génial sur la fin. Moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, j'ai trouvé ça très très verbeux, du mauvais Snyder. Il faut que ça parle, il y avait pas beaucoup. La rythmique était curieuse parce qu'au moment où c'était censé partir à l'action, ça partait pas vraiment. Ok, ouais, c'est ce que tu disais déjà. J'ai trouvé ça pas moyen, pas okay. Très inspiré. En même temps, il y avait un mutage une heure dessus, donc ça peut. Non, après, il y avait Albuquerque, ça c'était pas mal. Ouais, Albuquerque, voilà. Et puis il y a eu du joke au mieux. Après, bon, les dessinés ils sont pas trop foutus de notre gueule, sauf si c'était un peu Romita Junior, mais Snyder il me fait délirer, hein. C'est bon, c'est le mec qui fait son Batman dans son coin, la continuité, je l'emmerde un peu. Bah, il a raison, hein, franchement, je fais avec mes potes, on fait un truc, on te le vend, tout va bien. C'est ça qu'il faut faire. Et restons sur Sean Murphy, puisque l'auteur de Punk Rock Jesus, il est en train de travailler sur son propre graphic novel qu'il qualifie lui-même de Dark Knight Return d'une nouvelle génération. Et il y a plusieurs titres qu'on... Oui, oui, le mec... Ça va, il part bien, là. Le mec, bien, hein. il pose ses balles sur la table. Voilà, c'est moi, maintenant. Donc, il y a plusieurs planches qui ont fuité la semaine dernière. Je sais pas si vous les avez vues. Elles sont très... Bon, en même temps, c'est du Murphy. Après, je sais pas si je suis très objectif. Comment ça fait pour fuiter une planche, le Murphy? Bah, il les balance sur... Voilà. Non, c'est pas fuité, quoi. Oui, il les a... Oui, mais c'est pas DC qui les a... Oui, bon, il les a mis sur Twitter, donc ça a l'air très très joli. Ça donne très envie et ça va débarquer en septembre. Donc moi j'ai vraiment très hâte de toucher ce petit bijou. Ouais, Murphy, quand il prend son temps, on avait parlé de Tokyo Ghost ici. Ouais, on aime ou on n'aime pas, mais visuellement, c'était quand même extrêmement cool. Puckered Jesus, c'est vraiment cool. C'est pas lui sur Jolly Aventure Intérieure ? Si. Donc, oui, bon, bah. C'est pareil, c'est très rarement mauvais hein, ce qu'il a fait, ce petit. En plus, visiblement, DC ont compris, un peu comme Snyder, tu prends ton temps, tu fais ton truc, on va en vendre des caisses. Et on va rester sur les gens qui prennent leur temps. C'est un peu l'Arlésienne de DC, puisqu'on entend parler depuis les New 52, donc c'est-à-dire il y a au moins 4 ou 5 ans qu'on entend parler de ce titre qui doit arriver. C'est un team-up entre Batman et le Joker. Je ne comprends pas trop comment ils pourront. Un team-up, pour les gens qui ne sauraient pas, qui ne parleraient pas anglais, c'est quand deux personnages font équipe dans une série. Et là, c'est pas n'importe qui. Puisque c'est Mark Silvestri, donc Mark Silvestri, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est un des fondateurs de Image Comics. C'est lui qui a commencé sur Witchblade. C'est du dessin très années 90. Il avait fait l'espèce de X-Men un peu dark, Cyberforce aussi, je crois, à un moment donné. Il était au dessin, il n'était pas au scénario. Pas trop ce qu'il vaut au scénario. Ouais, dessin, c'est assez hard, un peu, c'est roots, hein, c'est quand même assez violent. Après, ouais, le team-up Batman-Joker. Quand même le casse-gueule, mais pourquoi pas. Et selon certains sites web, il aurait bientôt fini son comics, donc il a mis 4 ans, donc ça va. Et on entendra, à mon avis, un peu plus parler à la dernière San Diego Comic Con qui va pas tarder. Donc, moi, ces trois formats me tendent beaucoup. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, le Snyder qui fait du Snyder dans son coin, je vais voir. Murphy, je vais acheter, de toute façon, c'est beau. Et puis le dernier aussi, on va voir ce que ça donne. Ouais, on verra bien. Sylvester en son coin. Après, par contre, je trouve ça pas trop. Je trouve ça bien ce qu'ils font. Je trouve DC justement de, au moins, Batman de s'écarter peut-être un peu de la sacro-sainte continuité et de faire un truc un peu. Voilà, Snyder, il fait son histoire. All-Star Batman, tu peux le lire sans forcément rien avoir lu de Rebirth ou de New 52 ou de je sais pas quoi. Et puis même de laisser aux artistes le temps de bosser. Bien. Apparemment, là, il a complètement fini son histoire. Donc ça, ils vont sortir le titre alors qu'il l'a déjà fini de dessiner. Donc c'est. En plus, ça va bien avec Batman. C'est un personnage qui est ultra intemporel à la limite. Du coup, tu peux très bien sortir une histoire maintenant qui n'est pas le lien avec le reste, c'est pas grave, ça sera du Batman, ça sera bien fait. Non, éditorialement, je trouve ça cool par contre. Ouais, c'est plutôt judicieux fait comme ça en fait. Surtout que bon, l'histoire qu'ils ont fait pendant 4 ans, bon, je sais pas, parce que soit c'est le truc le plus génial de la Terre, soit ça va être horrible. Mais ouais, c'est surtout la partie Sean Murphy et Paul Pope qui est intéressante, je trouve. Ouais, Pope sur du Batman, ouais, ça peut bien donner. Ouais. Et puis Libermero, moi j'aime beaucoup Libermero et ouais, pourquoi pas, ça peut être cool. On va passer à la dernière news. C'est un peu la news fun, marrante, chill, tranquille. Donc Tom Holland, qui en ce moment est en promo pour Homecoming, qui va sortir la semaine prochaine, je crois, mardi prochain. Donc le film qui n'a pas tardé à débarquer sur les écrans. Et Kevin Feige lui aurait lâché une petite confidence comme quoi l'enfant que sauve Tony Stark dans Iron Man 2, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'enfant qui porte un masque de Iron Man et qui a même eu un gantelet d'Iron Man, je crois, et qui fait style de tirer sur un des méchants de Hammer et de je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre méchant de Iron Man 2. Comme si. De quoi ? Il n'y a que lui qui a compris. Whiplash, je crois. Oui, c'est Whiplash. Et du coup, apparemment, c'était Peter Parker. Oui. Donc voilà, le petit. Totalement crédible. À mon avis, c'était pas. Ça devait pas être pensé dans la prod, mais c'est un petit historique comme ça. S'il commence à faire des retcons maintenant au ciné, on va plus s'en sortir. C'est pas une retcon, c'est juste. Ah oui. Lui, c'était. C'est mignon. Oui, c'est marrant, c'est mignon. Et un autre truc qui est un peu plus alléchant, je ne sais pas si vous vous souvenez des Marvel One Shot, donc il y avait eu pas mal de. C'est des petits courts-métrages qu'on avait dans les Blu-ray qui étendaient un peu l'univers du MCU. Et on avait eu, je crois, il y avait eu un truc sur. Sur le mandarin. Sur le mandarin, ouais. Il y avait le début de Agent of Shield comme ça aussi, je crois. Même Agent Carter qui avait été comme ça. Et on n'en avait pas eu depuis le mandarin. Je crois que le dernier, c'était celui sur le mandarin. Et Tom Holland a dit que ça allait revenir et qu'ils allaient peut-être même faire des petits team-up dans ces trucs. Genre notamment un truc avec Ant-Man et Spider-Man qui font équipe et qui font quelque chose dans un petit court-métrage. Donc ça pourrait être sympathique, c'est rigolo. Ouais, ils étaient rigolos ces trucs-là, ça mangeait pas de pain, c'était fourni avec le Blu-ray. Ouais, voilà, puis c'est sympa, c'est à tes souhaits. donc voilà, je sais pas qu'est-ce que ça vous fait. C'est bonne ambiance, hein. Ouais. J'attends de voir. Voilà. C'était ok. Non, mais pour le coup, des fois, ça permet de se concentrer sur tel perso ou tel événement et de faire un truc fun. Le dernier non officiel, c'était Thor qui s'emmerdait pendant Civil War. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il attendait Captain America à l'appel. Oh, c'était quand même rigolo, quoi. Oui. Ça, j'avoue que c'était quand même bien, bien décalé. En fait, il a pas de téléphone, du coup, il peut pas être dans Civil War parce que personne l'a appelé. C'est très con, mais c'est rigolo. Ouais. C'est toujours dans l'humour de MCU. Voilà, on va finir sur ça. On va passer aux sorties de la semaine. Il y a pas mal de sorties cette semaine. On va commencer par Secret Wars avec un S cette fois-ci. Donc de chez Panini Comics pour 22€. De Jonathan Hickman et de Ezra Bridick. C'est le truc qu'on a failli vous parler la semaine dernière. Oups. Mais en fait, non, c'était un autre. Et là, maintenant, c'est vraiment celui-là. Excusez-moi. Et toi, tu l'as lu, je crois. T'en as jeté un coup. J'ai lu l'histoire principale, c'est magnifique. Zachary Beach, c'est vraiment superbe. Oui, vrai. Par contre, dès que tu commences à lire l'histoire, c'est nul. Bah, c'est Hickman. Moi, j'aime pas du tout Hickman. C'est en fait. Nul. Non, mais ça pue. Pardon, Marvel. Ça pue la manœuvre éditoriale pour tout péter leur univers d'avant, relancer un univers, te vendre des séries dérivées, parce qu'il y a eu je sais pas combien de séries dérivées Alors, l'histoire, je me souviens même plus trop. C'est Fatalis qui obtient le pouvoir ultime. Alors, je vais te pitcher si tu veux. Alors, le multivers est détruit, il ne reste plus que Battleworld, un monde patchwork créé par avec des fragments de réalité sauvés par le dieu Fatalis. Mais des héros sortent de l'ombre pour réclamer justice. Est-ce que Victor Von Fatalis peut encore entendre raison? Et ça va contenir les épisodes US de Secret War 1 à 9. Et en plus, comme ils sont gentils chez Panini, ils te mettent le Free Comic Book Day 2015 dans le lot. Allez, on va vous remplir un peu avec des trucs gratuits. Ça c'est le genre de truc que font Panini et qui me rend fou, mais bon, c'est pas grave. J'avais lu le début, je crois que j'ai lu les deux premiers et ça m'avait pas du tout. Ça sent vraiment le blockbuster parce qu'il faut en faire un. Battleworld, donc effectivement, c'est un monde fracturé avec plein de réalités anciennes de l'univers Marvel. Ils ont rajouté telle réalité parallèle, tel monde, tel truc. Ça sent vraiment le machin pour rameuter un petit peu les fans, les anciens et les nouveaux, parce que t'as forcément quelque chose qui va te correspondre. Moi, le premier, je me suis fait avoir parce que j'ai acheté des comics estampillés Secret Wars sur des vieilles périodes d'X-Men. C'était d'une nullité affligeante. Désolé. Et pour le coup, ça sent vraiment, vraiment c'est du gros réchauffé pour relancer leur univers. À la fin, il paiera, il claque des doigts, c'est reparti. Vous l'aurez compris, on vous conseille de l'éviter. Ouais, de... parce que en plus, si jamais t'es pas à fond Marvel, tu vas rien piter. Vraiment. C'est même pas. Même si t'es fan de Fatalis, ça sert à rien. Et puis même Hickman, voilà quoi. Ouais, Hickman, si jamais t'as pas lu 600 numéros avant et 400 après, tu resteras pas à comprendre ce qu'il va vouloir dire. On va rester sur Secret War, excusez-moi, avec Secret War Civil War chez Panini Comics pour 15€. De quelqu'un que Mathieu n'apprécie pas beaucoup le travail, c'est Charles Soul. Il m'a repris sur Facebook et je me suis calmé direct. C'est-à-dire ? Il y avait un pote qui a critiqué, enfin qui postait un truc sur Pod Amron, je crois, sur Facebook. Ouais. Et j'ai dit, Charles Soul, c'est tout bon ou tout mauvais ? Et Charles Soul a répondu, tout bon, toujours tout bon. Ah ouais, c'est marrant. Je me suis fait ken, mais comme si je suis parti de Facebook pendant 3 semaines, donc il me poursuivrait dans la rue. Donc du coup, j'ai trouvé ça très drôle. Mais tu l'avais cité Non, mais lui, il avait cité au-dessus, j'ai pas fait gaffe, je suis allé rapidos, je savais pas qu'ils étaient potes, il hypothèque tout le monde, Charles Soul. Du coup, il m'a ouvert en deux, donc respect, parce que c'était drôle ce qu'il a dit. Et c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve qu'il fait plein de séries, et parfois il ça passe. Un peu trop, ouais. Et parfois ça passe moyen. Ok, et bah là, je sais pas, j'ai pas lu le titre, mais. Alors c'est sur Battleworld, il y a une région où la guerre entre les super-héros n'a jamais été terminée, les équipes campent sur leur position et les tentatives de négociation échouent les unes après les autres. Captain America et Iron Man ne savent pas encore, mais ils sont manipulés dans l'ombre. Oui, ça ne vend pas trop du rêve. Après, même s'il est bon, le mec, ce qu'il fasse avec un pitch pareil, quoi. Au bout d'un moment, il est pas magicien, quoi. Ouais, j'avais commencé à le lire et j'ai dû lire peut-être quelque chose comme 2 numéros. Effectivement, ça avait pas l'air d'aller dans aucune direction particulièrement intéressante, en fait. Mais c'était beau. Je me souviens même plus du dessin, tiens. C'est Leline Liu, je crois, qui. Oui, donc ça l'était. Okay. Je crois même que c'était pour ça que je l'avais lu. C'était à cause de lui. Et bah, au moins c'était beau. Et un autre truc qui, au moins, c'était beau, parce que c'est Adam Kubert qui dessine, et j'aime beaucoup Adam Kubert, c'est Secret War Spider-Man chez Panini Comics pour 15€. Alors, c'est écrit par Dan Slott, c'est du Spider-Man, donc forcément il y a Dan Slott derrière. Et c'est sur Battleworld, dans la région dominée par le régent. Peter Parker a renoncé à être Spider-Man. Il vit avec sa femme Mary Jane et leur fille, mais l'appel des lance-toiles se fait entendre. Le tisseur est-il prêt à renouer avec sa carrière de super-héros? Est-ce que les responsabilités les plus importantes maintenant sont celles d'être père de famille? Donc voilà, c'est du Spider-Man dans le Battleworld. C'est Adam Kubert, moi le ouais, j'aime bien aussi. Adam Kubert, ça prend du rêve. C'est Slott. Il y a Slott aussi, ouais. Bon, après ça dépend. Je peux pas, je peux plus. Le seul truc que j'ai aimé de lui, c'était c'est bien lui qui a bossé sur le supérieur. Ouais. Ouais. Et même ça, il a trouvé le moyen de finir ça de manière totalement bâclée. Donc non. Tu l'as lu Spider Island? Je crois que c'était lui Spider Island. Ouais, j'ai lu une partie de ça et ouais, c'est pas ça, mal. C'était l'équivalent d'un épisode de dessin animé. C'était pas mauvais, mais. Bah, ce Spider-Man, je crois un peu dans des dessins. Après, ouais, pour finir sur Secret Wars, en fait, je trouve que le crossover, il a la maladie des derniers crossovers, des grosses histoires Marvel. C'est-à-dire que l'histoire principale est très moyenne, très très très moyenne. C'est ultra balisé. Par contre, quand tu fouilles un peu, en général, ils font une grosse histoire principale, ultra bourrinasse. Ouais, il y a des tie-ins. Derrière, t'as un paquet de tie-ins, c'est-à-dire d'histoires parallèles. Et là, pour le coup, des fois, en creusant un peu, tu tombes sur des petits scénaristes qui font des trucs dans leur coin. Et j'étais allé un peu comme un bœuf sur Secret Wars. J'avais pris un peu les plus gros titres. Et en fait, en fouillant un peu, je crois qu'il y a un titre Deadpool qui t'a spissé dessus de rire. Ah ouais. T'as un titre Weird Worlds, les mondes bizarres, où là aussi. Je crois que c'est Cullen Bunn qui scénarise, je suis pas sûr. Et le mec, en fait, ils sont un peu en freelance. Et pour le coup, t'as des super, super bonnes surprises parce que, bon, mais ils ont pas trop de pression. Ils font une mini-série de 6 numéros, ils pètent tout à la fin, on n'en parle plus. Donc, à la limite, Secret Wars, ouais, peut-être. Bon, la série principale, encore une fois, je suis désolé, tu peux la passer parce que tu vas rien comprendre. Mais en fouillant un peu sur le net, peut-être que t'auras des critiques de séries annexes qui, du coup, vont pas te chambouler ta vie de lecteur parce que le début et la fin, tu t'en fous un peu. Par contre, tu as passé un bon moment de lecture. Ok. Faut fouiller un peu. Et ben, on va essayer de rester. À l'affût pour ces petites perles. On va rester chez Panini Comics avec Postal numéro 1 pour 18€ de Matt Hawkins et Isaac Goodhart. Alors je vous donne le pitch parce que c'est dans la collection Fusion Comics et je crois que j'ai lu aucun titre de chez eux. Je suis vraiment désolé. Alors c'est Bienvenue à Eden, une ville baptisée par des criminels mais où aucun crime n'est autorisé. Lorsque le postier Mac Schifrin souffrant du syndrome d'Asperger découvre le corps sans d'une femme, il va se lancer dans une enquête qui va lui faire prendre conscience des secrets de la ville. Et le pitch est sympathique. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus. Je disais, je me suis pas renseigné plus. Ouais, ça l'a risqué, mais après, des fois, c'est là où tu tombes sur des machins géniaux. Mais ça l'a risqué quoi. T'as déjà lu du Fusion Comics, quelqu'un a lu. Ouais, mais je me rappelle plus ce que c'était. Ouais, c'est pas... Johnny, non. C'est la partie où il précise Asperger que je me pose la question, pourquoi tu précises ça? Ça a un intérêt dans l'histoire ou pas? Ouais. Bah, c'est parce qu'il doit être autiste, et donc c'est un peu le délire, un peu à la mode Sheldon, tu vois, ou ce genre de truc. Ouais, je sais pas pourquoi. On va attendre les retours des mecs qui l'ont lu, peut-être. Voilà, on fera ça. Et on va passer chez Urban. Il y a pas mal de sorties chez Urban aussi. Alors, il y a Batman Detective Comics numéro 1 pour 15,50€ avec James Tynion IV au scénario. Et au dessin, vous avez Eddie Barrows, Alvaro Martinez et Al Baria Nueve, excusez-moi. Et je crois que tu l'avais lu. C'est une espèce de team-up avec Batwoman, Red Hood, spoiler, l'orpheline. C'est qui l'orpheline? Orphan. Ah, c'est Orphan, oui, excusez-moi. Et Gueule d'Argile, donc les Face. Donc qui vont se mettre ensemble. Et Clayface est gentil maintenant. Ouais, il est borderline un peu, il essaie de se racheter. Ah, du okay. coup le perso est pas inintéressant en plus parce qu'il fait encore des mauvais choix, mais tu sens que le mec au fond il a vraiment envie de faire quelque chose de bien en fin de sa vie, mais bon il galère, il part de loin. Moi le titre me hype un peu, j'ai pas encore jeté un coup d'œil, mais les dessins avaient l'air pas mal. Ouais, alors le souci qu'il peut y avoir entre guillemets, c'est que ça fait partie de ces nouveaux titres bimensuels chez DC Comics, donc ouais. Ça sort deux fois par mois, c'est pour ça que t'as au moins deux dessinateurs, mais les deux sont bien, Eddie Barrows et j'ai bouffé le nom du deuxième. Alvaro Martinez, voilà. Et ils sont trois du coup, il y en a un autre. Ouais, l'autre il est vraiment il est un peu plus ouais, il fait discret les... sur okay. la fiche, je crois qu'il fait un demi-numéro à un moment donné, un truc comme ça. Mais les deux en plus ont un style relativement homogène, ce qui fait que niveau cool. lecture ça va pas te transcender. Après ouais, c'est un gros team-up où Batman est un peu en retrait, c'est Batwoman qui est chargé d'une équipe un peu badass pour tenter de contrer encore une fois des espèces de grosses crises. Et ils ont un gros fil rouge. Dès le début, moi j'en suis peut-être 20 numéros US après. Okay. Et tu as un ennemi que tu vois un peu au début, que tu retrouves après, et ça se suit. C'est pas très artificiel, quoi. C'est pas vraiment un arc ennemi down, nouvel ennemi, on le tue. Il est en train de faire son petit univers, Tynion IV, et qui est un protégé de Scott Snyder. Ouais, c'était son élève, je crois. Ouais, et pour le coup, les dialogues sont pas mal, c'est assez percutant, c'est un bon rythme. J'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa comme lecture. Et plus je lisais, plus je me dis que putain, ce Tynion IV, il est pas meilleur que Snyder, mais vraiment. Pour l'instant, je m'ennuie pas. C'est assez exceptionnel. Et bah, peut-être qu'on vous en parlera la semaine prochaine, peut-être, je ne sais pas encore. Nous sommes en pleine. Brainstorming. Voilà. Un autre film, excusez-moi. Un autre titre, moi qui m'a hypé. Je crois que j'en ai lu un bout, que ça, c'était dans. Il le sortait dans Batman Saga à l'époque. C'est Robin, fils de Batman, donc toujours chez Urban Comics, pour 28€. C'est écrit par Patrick Gleason et c'est dessiné par Ray. C'est écrit et dessiné parce que Patrick Gleason, il dessine. dessine aussi, je crois. Ray Fawkins et Mike Gray. Et alors, le pitch, c'est à peine revenu d'entre les morts, Robin a passé une année bientôt connue sous le nom de Année de Sang pour accomplir des tâches pour les Al Ghul, mais l'heure est à présent à la rédemption pour le fils de Bruce Wayne, aidé de Goliath, son dragon improvisé, et d'une assassin nommée Personne. Robin va devoir plonger dans une longue quête où il pourra racheter ses fautes afin de tourner la page. Et oui, effectivement, je l'ai lu dans Batman Saga et c'est vraiment pas mal du tout. Si vous aimez le style Gleeson et Tomasi, c'est un peu dans le même délire et c'est vraiment tourné autour de Damian. Donc si vous aimez pas Damian Wayne, vous passez vraiment votre chemin, mais c'est un espèce de délire entre lui qui est un peu moins borderline qu'avant et l'autre, l'assassin qui s'appelle Personne, qui elle est vraiment dans le délire borderline, et lui qui essaye de la ramener du côté du bien, et c'est pas mal du tout, franchement. Damian Wayne, c'est le Robin, c'est le fils de Bruce Wayne, ouais. Et ouais, de Talia Al Ghul, exactement, qui est la fille elle-même de Ra's al Ghul, le grand méchant, le maître de la ligue des assassins. Le gamin, il part pas bien quand même. Oui. Il explique tout dans l'histoire. En plus, c'est vachement bien mis en scène finalement, parce que c'est assez rare de tomber sur un bouquin qui se prend pas trop au sérieux, qui fait juste une aventure tranquille en fait. Et ce bouquin-là, c'est ça, c'est Robin qui voyage à différents endroits sur la planète pour réparer en gros toutes les bêtises qu'il a fait à l'époque où il était convaincu qu'il allait finir maître du monde quand il serait plus vieux. Et il avait toute une année, on lui a dit, alors tu vas à tel endroit au Pérou par exemple, tu vas voler une, alors je sais plus si c'était une pierre magique ou une épée ou un truc comme ça. Et à chaque fois, c'était ça, c'est on envoie un endroit et il ruine la vie des gens en fait. Et à l'époque, ils s'en moquaient, et maintenant justement, c'est la période la période où il répare toutes ces bêtises, et du coup, il doit revenir à chacun de ces endroits, ramener l'objet qu'il a volé ou réparer le truc qu'il a cassé, et souvent les gens ils sont pas contents. Ouais, il doit voir les résultats de ce qu'il a fait, quoi. Je crois qu'il y a même un endroit où il a laissé derrière lui des gens qui à la base étaient protégés par une espèce d'esprit, étant donné qu'il a défoncé l'esprit, les gens se sont retrouvés dans la merde, quoi, depuis qu'il est parti. Donc ouais, c'était vachement sympathique. C'est le genre de bouquin que je filerais à ma sœur de 10 ans, tant qu'à faire. C'est vraiment fait pour les gosses finalement. Il y a ce côté fun, pas trop compliqué. C'est vraiment fait juste pour être lu, pour le fun du truc en fait. Il y a un petit côté frais un peu à la Spider-Man ou à la, ce que tu disais, un peu épisode de dessin animé un peu sympathique, ouais, voilà. À la Teen Titan ou tout. Ouais, c'est vraiment un titre que j'avais apprécié. En plus, les dessins de Gleeson sont vraiment cool. Je sais pas si tu es fan du son trait, mais moi j'aime beaucoup. À la base, j'avais acheté à cause de lui. Sauf que la couverture du premier volume est cool. Et j'ai toujours pas acheté le deuxième d'ailleurs. J'ai tout lu, mais j'ai pas encore acheté le deuxième. Et le truc, c'est qu'à partir du deuxième volume, il fait plus beaucoup de numéros lui-même. C'est d'autres gens qui dessinent, ouais. Donc soyez prévenus, j'ai envie de dire. Vous allez être déçus au bout d'un moment. Voilà. Et on va rester avec le couple Peter Tomasi et Patrick Gleeson, puisque c'est Superman Rebirth chez Urban pour 17,50€. Donc c'est écrit par Peter Tomasi et Patrick Gleeson, mais c'est dessiné par Doug Monk et Jamie Mendoza. Alors le pitch de Superman Rebirth, c'est à la mort de Superman, donc de Superman de l'univers des New 52, l'esprit de vérité, de justice qu'il représentait semblait disparaître avec lui, mais un homme d'acier bien plus aguerri reste à l'affût, opérant dans l'ombre, et il est grand temps pour ce protecteur de Metropolis de reprendre le flambeau, car l'éradicateur est en route pour la Terre et aucune forme de vie ne semble pouvoir lui résister. Donc c'est la suite de ce que de ce qu'il y avait dans Darkseid War. Ah, ça a l'air fin. Hein. Ouais. Le Peter Tomasi et Patrick Gleeson, c'est intriguant en fait. C'est souvent beaucoup plus subtil qu'on pourrait le croire. Parce que là, c'est mal parti, ouais, mais bon. Et j'ai pas lu le tome, mais je sais que sur Batman et Robin, c'était vraiment ça pouvait partir sur un truc vraiment bas du front, et en fait, ça l'était pas du tout. Donc pourquoi pas? Je sais pas. Je suis pas un aficionados de Superman, mais pourquoi pas? Moi, j'avoue que moi non plus, mais je reconnais que l'équipe est intrigante. Quoi. J'aime bien Doug Monk en plus au dessin quand il est en forme, c'est assez réaliste. Je trouve il a un trait vraiment, il a fait du Stormwatch qui était vraiment vraiment urbain, assez intéressant. Ouais. Du coup, j'avoue quoi, le trio, je suis pas fan du tout de Superman. Mais laissez peut-être tenter. Ouais. Ok. Toi qui peut-être plus, c'est toi un peu la caution Superman, non? Ouais, c'est le nouveau vieux Superman qui maintenant s'habille en noir parce qu'il est dark, t'as vu. Et en fait, l'attrait principal de ce gars-là, c'était que le Superman qu'on avait depuis New 52, il était plus jeune, légèrement plus doute-bro sur les bords, se la pétait légèrement, il était un peu insupportable. Oh, et putain, le hipster. Pas vraiment. Ah. Mais et du coup le vieux qui vient de revenir, sage, du coup lui il a une femme, il a un gosse, il a une dynamique très différente où il est beaucoup plus mature en fait. Donc il est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et l'un des éléments que j'aime le plus et qu'on voit pas mal dans la série Super Sons, c'est que il a une femme et un gosse. Du coup tu le vois interagir avec eux et c'est l'un des trucs les plus touchants que j'ai jamais vu Superman faire. Et on voit jamais ce genre de truc généralement. Donc rien que pour ça, c'est sympathique. Il y avait pas d'enfant avant. Oui, non, mais dans d'autres versions, quoi. C'est pour ça que je dis ça, c'est des trucs que tu vois jamais en dehors de quand il avait ses parents. Ça, c'était cool, mais du coup, tu avais jamais vu Superman en tant que père. C'est, et du coup, ce titre-là, là, tu l'as pas lu. Pas entièrement. Ouais, c'est que, ouais, le Superman. D'ailleurs, je sais pas quand il sort Superman Super Sons, j'ai vraiment envie de le lire. Donc, bon, on verra. Et on va. Il commence à se faire tard, oui. J'avais pas vu. Mon dernier titre, parce que vraiment, je pense que c'est le truc qu'il faut acheter ce mois, cette semaine, c'est The Authority de Warren Ellis et Brennan Hitch qui sort pour 28€. Donc, je pense que le spécialiste The Authority, ouais. Alors c'est un comics qui est arrivé au moment où on se faisait un peu chier dans le reste des comics Marvel et DC. C'est Wildstorm, c'est un autre. Ah, c'est Wildstorm, j'allais dire, c'est Vertigo, non, c'est Wildstorm. Ouais, c'est Wildstorm. Et en fait, vous pouvez imaginer éventuellement les Avengers, par exemple, qui sont quand même un petit peu plus dark, parce que là, il y a quand même du cul et des trucs comme ça entre eux, et qui décident à un moment donné que bon, bah, c'est quand même le plus gros héros de la Terre, ça serait bien qu'ils prennent le contrôle de la planète, comme ça on n'en parle plus, en fait, hein, au lieu d'être subjugué à un gouvernement ou Shield ou je sais pas quoi. Et du coup ils ont pas de compte à rendre à personne, ils décident de sauver la planète un peu quand ils veulent, comme ils veulent d'ailleurs. Et en général il y a pas mal de dommages collatéraux, c'est ultra bourrin, mais c'est assez jouissif en fait, hein. Du moins au début Warren Ellis et Brian Hitch, après l'autre équipe derrière, je crois que c'est du Grant Morrison. Mais du coup, c'est plus lui après. Ouais, c'est Grant Morrison. C'est vraiment le run de Ellis. Alors, c'est pas le meilleur, c'est ultra bourrin. Hein. Vraiment, là, tu lis ça comme un gros blockbuster. Ah, c'est moins bien que celui de Ennis et de. J'aime bien après la suite, ce qui fait. Je sais plus le scénariste, c'est Ennis ou Morrison et Frank Quitely. Je sais qu'il y a Mark Millar à un moment. Mais... Ah, c'est Millar, c'est ça, c'est Mark Millar. Et pour le coup, c'est du décomplexé. Voilà, c'est du comics décomplexé. Du super-héros. On a du Mark Millar, quoi. Ouais, ça envoie du bois. Vous attendez pas à vous faire retourner la casquette par des trucs métaphysiques ou je sais pas quoi, ça défonce. Et okay. Pour le coup, c'est un bon moment. Bon, on va passer, parce que j'avais pas vu, on a vraiment fait longtemps sur les news, on va passer à la première pause musicale. Dans Lumberjane, parce qu'on va vous parler de Lumberjane, à la fin de l'intégrale 1, il y avait plein de mixtapes de tous les personnages, chaque personnage avait choisi plein de mixtapes, et du coup je suis allé un peu piocher là-dedans, et il y avait à un moment l'opening de Gravity Falls, qui est un de mes dessins animés préférés de tous les temps. Du coup, bah, j'en ai profité pour vous passer l'opening extended. Donc voilà, après on revient pour vous parler de Lumberjane. Et c'était Gravity Falls, dans le générique de Gravity Falls, qui est vraiment un peu dans le même esprit que le comic dont on va vous parler, qui est donc Lumberjane. Et on a j'ai demandé à Bertrand de faire son premier scénario. Donc est-ce que tu peux nous parler vite fait du scénario de Lumberjane? Oui, donc alors le scénario de Lumberjane. Donc j'ai lu le tome 1, c'est qui s'appelle L'ange chat redoutable. Donc, mais en fait, j'avoue, c'est rapide. Excusez-moi. Merci, c'est pour petite précision éditoriale. En fait, c'est l'intégrale qui sort chez Urban. Et moi, je vous ai passé le tome 1 qui était déjà sorti avant, en fait. Ah. Donc, tant mieux. Si vous avez déjà eu le tome 1, vous dites, mais pourquoi ils parlent de ça? C'est sorti il y a 30 ans. C'est parce qu'en fait, ils ont arrêté cette édition-là pour la sortir en plusieurs intégrales. Voilà, vas-y, tu peux continuer, excuse-moi. Donc je disais donc que c'est donc l'histoire de 5 filles, April, Joe, Mal, Molly et Ripley, qui sont dans un camp de vacances. Excusez-moi. Et il leur arrive plein de choses, plein d'aventures, plein de choses bizarres pendant leurs vacances. Elles comprennent pas vraiment ce qui se passe. Moi non plus, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre, il faut juste... Oui, je me suis dit qu'à un moment, il fallait pas essayer de comprendre. Ok, il y a un renard à trois yeux, d'accord. Il y a un Yeti et un baladeur CD. D'accord, pourquoi pas. Qui garde pas des phares. Exactement. Mais j'explique tout. Bon, après, moi, j'ai arrêté au numéro 8. Donc, Oui, au bout d'un moment, c'est expliqué. Il y a un semblant d'explication à la fin du tome, non? Oui, je suppose, mais enfin, c'est prêt. C'est donc... Donc les 5 filles essayent à peu près de comprendre ce qui leur arrive, je pense autant que le lecteur. Mais voilà. Donc que dire de plus? Romain, c'est si tu m'enchaînes peut-être sur... Je peux Romain. Pas. Excuse-moi, Mathieu. Ah. C'est non mais effectivement oui, ouais, c'est ça. C'est... Alors moi d'habitude j'ai tendance à lire du Punisher, du Moon Knight, vraiment. Du Preacher, du machin avec des tripes sur les murs. Ils arrêtent pas de râler que je leur file que des trucs girly. Et là, non, effectivement c'est très cartoon. C'est des aventures. Moi ça m'a fait penser, je suis vieux, attention, j'ai presque 40 ans. Ça m'a fait penser quand j'étais gamin que je lisais les Picsou Magazine. Ouais, voilà, un peu. Avec les aventures de Picsou qui en l'espace de 15 pages fait 15 pays, ils découvrent 3 forêts secrètes, 4 émeraudes de je sais pas quoi. Ça m'a fait un peu penser à ça. Faut reconnaître qu'il y a un rythme ultra soutenu. Tu t'embêtes pas quand même, ça se lit vite. Outre le fait que voilà, faut que tu te mettes en mode j'ai 14 ans. Et bon, ça se lit bien. C'est des aventurettes un peu mignonnes. Bon, le truc qui m'avait un peu déçu, c'est que ça, très très vite, tu t'aperçois qu'il y a une relation un peu particulière entre deux des filles. Et pour le coup, j'avais trouvé ça assez assez curieux parce qu'on est quand même dans un truc relativement gamin, on va dire, pré-ado du moins. Et le coup, mettre une petite relation comme ça, un petit peu inhabituelle, on va dire pas inhabituelle, mais un petit peu plus adulte. Il y a des gays dedans, voilà. Voilà, c'est ça. Il y a deux lesbiennes. Et pour le coup, je me dis tiens, tu peux peut-être arriver à un truc avec plusieurs niveaux de lecture éventuellement, et pas tant que ça en fait. Hormis ce truc-là qui est un peu what the fuck sur le reste, ça reste quand même très très teenage, très très simple. Et ouais, j'avais été un peu déçu parce que je m'attendais peut-être mais à ça a un côté trucs. Un peu teenage et simple comme tu dis, mais avec justement il y a ça derrière le fait que ce soit que c'est que des héroïnes, donc c'est que des filles, et c'est pas du tout, on pourrait s'attendre à un truc où il y a que des filles, que ce soit vachement girly, vachement superficiel, voilà. Et un peu dans le train tout à l'heure avec Vincent, on parlait de Totally Spice, c'est un peu le même délire, tu vois, où c'est des meufs, donc forcément il va y avoir du rouge à lèvres et des conneries comme ça. Non, c'est des personnages complètement le parallèle avec avec Gravity Falls, il y est bien avec Mabel qui est un personnage qui, malgré que ce soit un personnage féminin de dessin animé, c'est quand même un personnage à part entière avec vraiment une vraie profondeur. Là je trouve que chaque personnage a son petit délire, et c'est pas juste c'est des personnages féminins, et voilà. C'est pas aussi simple, ouais. Après bon, faut reconnaître, oui, ça faut reconnaître, c'est ce que tu dis, c'est un truc pour gosse, mais ça, pour un truc pour gosse, je trouve que ça va un peu plus loin que... C'est un peu au-dessus, ouais. Au-dessus entre le gosse et le Punisher à peu près, il y a... Ouais, il y a de la marge. Non, mais ils arrivent quand même, parce que c'est quand même pas mal référencé. T'as une paire de petits clins d'œil Indiana Jones, t'as une paire de clins d'œil même à X-Men à un moment donné, lorsqu'ils font le lancer spécial. Logiquement, c'est Colossus qui jette Wolverine Le boulet de canon, sur Magneto, une sentinelle ou n'importe quel méchant de la semaine. Alors, déjà, tu prends un truc jeté par Colossus en plus quand c'est Wolverine. Voilà. Bon, là, t'as un petit clin d'œil à 2-3 trucs comme ça, même à X-Files, Star Trek. C'est un peu référencé, mais mine de rien, il y a quand même un mix qui fonctionne pas si mal que ça dans leur truc. Et puis, moi, le volume que tu m'as envoyé, ça faisait vraiment en plus bouquin de scout avec badge numéro 1 correspond à telle aventure. Oui. Badge parce que 2. Les Lumberjanes, je sais pas si c'est vraiment le nom officiel, mais c'est les scouts féminine anglaise, quoi. Oui, voilà, c'est basé sur le Lumberjack, qui est le cliché du bûcheron un peu canadien, très viril, très... Avec la chemise à carreaux. Voilà, très proche de la nature. Donc là, effectivement, c'est le pendant féminin. D'ailleurs, il n'y a que des filles qui s'occupent du comics, hein, à la limite, autant... C'est plutôt bien, d'ailleurs, là, c'est les deux scénaristes. Je crois que l'éditeur, c'est un mec. Ouais, Shannon quelque chose. Ouais. Waters. Et ouais, le bouquin est sympathique. Mais attends, on va resituer un peu, parce que je suis même pas sûr que les gens arrivent vraiment à comprendre de quoi qu'on parle, parce que le résumé d'origine était un peu flou. Mais en gros, il faut imaginer un camp de scouts dans la forêt, pays non mentionné. Et il y a, elles sont combien? Elles sont 5, les gamines. Ouais. Elles ont environ 11, 12, 13 ans, grand max. Et en gros, le principe, c'est que le parallèle avec Graffiti Falls, il est sympa, c'est que c'est un camp de scouts. Elles sont dans la forêt. Et dès le début, en fait, ils nous balancent directement dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a des créatures un peu étranges, genre des renards à trois yeux. Il y a pas mal d'animaux à trois yeux. Ouais. Et la toute première aventure, c'est ça, quoi. C'est les gamines la nuit, dans le camp, qui affrontent des renards à trois yeux dans la forêt. Et qui ensuite crient qu'elles ont vu une vieille madame qui se transforme en ours. Et à partir de là, c'est que ça, c'est des aventures dans des souterrains magiques et des créatures un peu bizarres et des phénomènes surnaturels un peu étranges. Tout ça sur le fond habituel de groupe d'amis. Elles sont très soudées, machin. Elles ont leurs aventures de scout. C'est extrêmement classique en fait dans la formule, mais ça marche extrêmement bien finalement. C'est le genre de bouquin que, pareil, dans ce genre de situation, je prends toujours ma petite sœur comme exemple. Et je me dis toujours, est-ce que je lui filerai ou pas? Et je suis même assez content de pouvoir dire que oui, je lui filerai, parce que finalement, des bouquins qui sont aussi ciblés enfants, avec un vrai contenu derrière, qui sont pas juste stupides et qui sont vraiment intéressants, relativement bien dessinés, tout ça, il y en a finalement pas tant que ça. Et j'étais même plutôt content de comment ils ont établi l'histoire, comment ils développent leur univers. Chacun des personnages a une personnalité intéressante et sympa et qui ressort bien des autres. Et donc ouais, je recommanderais vachement ça en fait. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, tu parlais du dessin. Est-ce que tu peux vite fait nous parler du dessin? Ouais, il est assez inégal en fonction des pages. Il y en a certaines où c'est très très beau et d'autres où j'ai l'impression qu'il a gribouillé un peu rapidement. Ouais, des fois, j'ai l'impression qu'il superposait des personnages. Oui, aussi. Il y a le décor derrière. Elle dessine à Photoshop et ça se voit beaucoup parce que des fois la perspective est un peu étrange, ou bien il y a des épaisseurs de traits où tu vois qu'elle a dessiné à une taille, ensuite elle a rétréci. Oui, c'est ça. Et du coup, ça jure avec le reste. Ça plus certains types de couleurs. Donc ouais, il y a ce côté un peu artificiel de temps en temps, ou le côté un peu gribouillé à certaines cases où visiblement elle a pas eu suffisamment de temps, ou alors elle a fait ça super vite. Mais en général, c'est plutôt joli, c'est plutôt mignon, ça marche super bien, les découpages sont plutôt cool. Et je suis très très fan de tout ce qui est design de personnages, surtout parce qu'elle a réussi à donner un style vraiment à chacun des persos, une vraie identité visuelle, et ça c'est franchement l'élément qui marche le plus. Et pareil pour ses gags visuels aussi, elle arrive à leur donner des bouilles qui sont très marrantes. Donc niveau dessin, c'est un exemple, je pense, finalement. En particulier, vu que la cible, c'est vraiment pour les enfants. Et à mon avis, pas juste des petites filles, ça pourrait être pour des garçons aussi. Et dans le genre, je pense que si je vois un gamin passer en se disant « j'ai envie de dessiner comme ça » et qu'il se remet à reproduire des trucs, je dirais « c'est bien, continue ». Parce que c'est une bonne base. En plus, il y a un bon remplissage de cases, je trouve. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir des cases, il va se passer un truc en fond, systématiquement. Ouais. Et pour le coup, ça apporte pas mal au personnage, parce que c'est pas forcément évident de jongler avec 5 personnages, plus les personnages satellites. Et des fois, dans une case qui n'a rien à voir, tu vas avoir 2 personnages en fond qui vont faire un truc n'importe quoi, ou une connerie, ou je sais pas quoi. Et ça aide vachement à la caractérisation. Là, sur le dessin, je trouve qu'il y a vraiment du bon travail, à part les 2-3 défauts. Mais je trouve que les personnages principaux sont vachement bien typés, mais même les personnages secondaires, comme elles sont dans un camp de scout, du coup, il y a des moments où on voit plein de filles, et je trouve que même celles-là, tu arrives à. Quand il y en a qui reviennent, tu arrives à bien les reconnaître et tout. Sans comics, on n'est pas habitué à une caractérisation des personnages. Parce que d'habitude, tu te ressembles tous. T'as un blond, un brun. Alors, le brun avec la moustache, c'est Iron Man. Le blond, c'est Captain America. Ouais, c'est le reste. Même le moment où elles vont dans un camp de garçons, et il y a plein de garçons, et tout le camp est vachement bien rangé et tout. C'est assez drôle. Même moi qui lis du Punisher, j'ai rigolé une paire de fois. Oui. Ça y est, allez, je le dis. Et il y a un petit sous-texte féministe. Ouais. Peut-être, ouais. Du coup, il y a un truc qui est pas mal, je trouve, c'est qu'il y a plein de moments où elles jurent, et au lieu de dire putain ou enfin ce genre de truc, elles disent non de, et là elles citent un personnage, une femme qui a marqué un peu l'histoire, et à chaque fois le titre a la bonne idée de te préciser à chaque fois telle machine, c'est pas parce que là pour le coup, je suis désolé, mais alors la culture, ouais, pas du tout, moi non plus, ça allait pas jusque là, mais l'idée, non, bien. Mais oui, j'ai remarqué, j'ai trouvé ça très sympathique, ouais, parce que du coup, effectivement, ça rajoute effectivement, alors une dimension féministe, c'est un peu péjoratif, ça rajoute un petit truc sans que ça soit ni pour un truc pour gosse. C'est vraiment. Ça, c'est il y a ce côté-là. Ouais, c'est fait de manière sympa. Intelligente. Mais tous les trucs un peu progressistes, on va dire, qui sont un peu la mode des comics américains maintenant, ils ont réussi à intégrer ça de manière intelligente. C'est-à-dire que donc justement, il y a quand elles jurent, elles disent le nom d'une femme importante de l'histoire et tout ça. Et il y a bah, tout à l'heure, t'en parlais de la relation lesbienne justement. Par là où j'en suis au numéro 8, pour l'instant, c'est en fait ça se développe exactement de la même manière que ça se développerait si tu regardais un film pour enfants avec un garçon et une fille. Et ça a exactement le même ton en fait. C'est-à-dire que c'est pas plus adulte ou plus complexe ou quoi que ce soit, c'est juste exactement ce que tu verrais avec un couple hétéro, sauf que là c'est juste qu'elles sont gays et c'est exactement pareil. Et j'ai trouvé ça vachement cool parce que finalement il n'y a pas vraiment de raison de mettre plus l'accent dessus qu'autre chose. Ça s'intègre parfaitement bien à l'histoire, ça se fait de manière organique et je suppose qu'elles finiront ensemble parce que voilà, ça reste un bouquin pour les enfants, les gars vont pas faire un truc avec une grosse rupture dégueulasse horrible à la fin. Mais ouais, franchement, pour l'instant en tout cas, je suis au numéro 8, il y en a 38 en tout et pour l'instant je suis satisfait. Et puis même pour le coup, la relation lesbienne, j'ai trouvé ça assez intelligent parce que très vite tu vois qu'il y en a une des deux qui est peut-être un peu plus garçon manqué que l'autre, tu remarques la main sur l'épaule, un truc comme ça, et en fait c'est pas bourrin, c'est pas marqué dessus, c'est effectivement subtil. Tu sens le début de la relation, adolescence, compagnie, découverte du truc, et pour le coup c'est vraiment pas mis en avant, tu le vois en fond et ça passe super bien en fait quoi. C'est comme juste, il y a un truc qui m'a bien plu aussi, à un moment donné tu as je crois que c'est vers le début puis c'est repris un peu après dans le comics, tu as les codes des Lumberjanes, ouais. Et à un moment donné t'as une ligne qui est rayée. Ah et, oui, Et t'as une citation juste à côté écrite au crayon en disant ça c'était un truc par rapport à Dieu, mais bon c'est personnel. Ouais. Et j'ai trouvé ça vachement intelligent en fait. Oui, ils le redisent après, bon, là c'est par rapport à Dieu donc on passe. Ouais, du coup c'est là, ça y est, mais voilà, c'est pas plus quoi, et puis ça suffit. Et c'est peut-être l'un des machins les plus intelligents que j'ai lu dans les comics sur Dieu depuis un bon moment. À part The Authority qui tape sur Dieu dans, voilà, un peu plus tard, sans vergogne. Mais voilà, j'avoue quoi, il y a 2-3 traitements comme ça qui étaient vraiment bien foutus. Et en plus, bon, vous avez pas lu l'intégrale, mais l'intégrale je trouvais vraiment bien. Il y a vraiment un vrai travail éditorial sur chaque entre chaque chapitre. Vous allez avoir un petit texte qui explique parce que à chaque fois il y a un délire autour du. Enfin, je sais pas si vous avez été scout, mais je l'ai pas été. Mais le délire c'est qu'ils ont des écussons et à chaque fois qu'ils font un truc, ils reçoivent des badges. Et en fait, chaque histoire est autour d'un badge spécifique et ils t'expliquent qu'est-ce que c'est ce badge. Et en plus, ils l'expliquent d'une façon assez sympa et tout, avec un ton vraiment un peu décalé. Et ce que je disais à la fin, vous avez tout plein de bonus, mais vraiment je crois qu'il y a au moins 10 pages de bonus. Il y a déjà tous les trucs à découper vous-même, que vous pouvez découper et après faire les mix vous-même et les glisser comme des vraies pochettes de disques. Que personne ne l'a jamais fait, ça. Que personne ne va le faire, personne ne va les découper. Moi je le faisais. Bon d'accord, je vois. Moi je charcutais mes livres, moi. Ouais, mais du coup là c'est pour en acheter deux alors. Pour un livre d'enfant, oui, c'est pas mal, oui, parce oui. Que c'est cool pour les enfants de faire ça. Et à un moment même, elles font des bracelets d'amitié et le comics te montre comment faire le bracelet. Et ça, je trouve ça vraiment intelligent. C'est sympathique pour un truc pour boss. Non, mais vraiment, en ce moment, je suis en train de bosser sur un bouquin un peu dans le même. Bon, pas dans le même. Mais, enfin, comment dire. En gros, je suis en train de bosser sur un bouquin qu'on appelle All Ages, donc pour tous les âges, en gros. La cible principale, c'est les gosses, mais le truc, c'est que les adultes puissent le lire aussi. Et le principe, c'est le même que pour ça. Et franchement, si j'arrive à faire un truc avec autant de passion, je pense, ce serait franchement très sympa. Parce qu'on sent vraiment qu'ils avaient envie, qu'à chaque fois qu'ils avaient une scène, ils se disaient comment on fait pour rendre ça un peu plus ludique, un peu plus intéressant, un peu plus éducatif, comment on fait pour ajouter des petits bonus à la fin, comme tu disais, où le gamin pourra s'amuser à faire un truc avec. Donc ils ont vraiment réfléchi en fait à pour qui ils le faisaient et comment rendre l'expérience finalement plus intéressante que juste lire le bouquin et le fermer et passer à autre chose, quoi. Je pense que c'est vraiment un super bouquin d'été pour les gamins, quoi. Yep. Parce qu'ils vont passer un bon moment de lire le truc qui est vraiment. Qui se lit super vite. Et en plus, vous pourrez même le relire pour revoir des trucs. C'est sympathique. Et en plus, il y a ça. Donc, je vous disais, il y a ça. Il y a tout plein de couvertures optionnelles par plein d'artistes différentes. Même la présentation des gens qui ont bossé dessus est sympathique. Ouais. À chaque fois, il y a un petit portrait avec un peu comme. Je sais pas, dans les mangas, souvent, quand vous ouvrez sur la tranche, il y a la photo de l'auteur avec un texte de lui un peu marrant, et là c'est un peu dans le même délire, donc vraiment moi c'est vraiment un petit coup de cœur pour pour ce titre. Et effectivement, tu disais que tu le ferais peut-être à ta petite sœur. Moi j'ai pas de, enfin je le ferais, franchement je le ferais. Bon, je lui demanderais avant parce que ça vaudrait pas le coup de lui offrir un truc si elle a pas envie, mais si ça lui plaît, il y a aucun souci, hein. Moi ma petite sœur elle a un an moins que moi, donc elle a déjà un gosse et tout, donc je pense que ça lui plaît, enfin peut-être que ça lui plaira, mais pourquoi pas. Oui, mais si j'avais un truc à offrir à un enfant, je pense que je le ferais, parce que je l'offrirais ça, c'est vraiment une super bonne idée. Et voilà, je pense qu'on on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez un dernier truc à dire autour de Lumberjane? Quand j'étais petit, j'ai grandi avec tout ce qui est journal de Mickey, histoire de Picsou et les, ouais, et les Castors Junior en particulier. Ah oui, le manuel des Castors Junior, j'y ai pensé. Ouais. Et le manuel des Castors Junior, je l'ai toujours. Il est avec moi, ici à Montpellier. C'est dire, hein, il est tout déchiré de partout. Et pourtant, je l'ai toujours. C'est dire les faits, en fait, c'est le même type d'histoire. C'est-à-dire, c'est vraiment fait pour la jeunesse. Ça se prend pas trop la tête, c'est cool, c'est super fun, il y a tout un univers autour et l'air de rien tu finis par développer une espèce de passion pour le truc qui fait que jusqu'à aujourd'hui j'ai toujours le bouquin quoi. Et je pense que ça va provoquer probablement le même type de comportement pour pas mal de gosses, de tout, parce que forcément vu qu'il y a que des filles à l'intérieur on aurait tendance à dire que c'est pour les filles, mais à mon avis il doit y avoir au moins quelques garçons qui vont kiffer bien comme il faut. Ouais, j'ai pas osé sortir la référence sur le manuel Castor Junior, ça fait un peu vieux con, mais non, effectivement, j'ai exactement pensé à ça. Ouais. Est-ce que vous aviez votre super Picsou géant avec la jeunesse de Picsou dedans? Oui, alors j'avais pas celui-là, mais je l'ai trouvé dans une baraque un jour chez des amis qu'on visitait et j'ai passé la semaine entière à lire que ça et Black Sat. Ah, c'est bien, c'est des bonnes lectures. Est-ce que vous avez un coup de cœur ou une attente aujourd'hui? Je vous en ai pas. Moi j'ai un petit coup de cœur. Vas-y. Pas très loin du comics, c'est bon, un film, je pense que tout le monde a entendu parler, The Girl with All the Gifts. Yep. Qui est un film d'infecté zombie anglais. Il est sorti. Oh, putain, ça fait une semaine ou deux. Donc, c'est basé sur une histoire de Mike Carey qui est bien connu pour les lecteurs de comics, qui a fait du Ultimate Fantastic Four, du X-Men, du Lucifer, du Hellblazer. Enfin, le gars a une bonne carrière dans le comics. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce film parce que donc, c'est un film anglais qui, mine de rien, redynamite un petit peu le genre du zombie. Ils avaient déjà fait le coup avec 28 jours plus tard et même Shaun of the Dead qui avait lancé la mode un peu des zombies rigolos. Ah, oui, c'est vrai. Et pour le coup, alors là, c'est vu des enfants. Il y a vraiment toute une thématique autour de l'enfant, autour de la boîte de Pandore. Tu te retrouves dans pas mal de situations où tu te dis merde, qu'est-ce que j'aurais fait à la place? Il y a pas de méchants, il y a pas de gentils. Il y a pas une actrice connue dedans. Il y a Glenn Close. Glenn Close, voilà. Et Gemma Arterton, un truc comme ouais. ça. Ouais. Et pour le coup, le film a coûté que 5 millions de dollars, ça se voit pas du tout. Il y a une scène d'invasion d'une base américaine en plan séquence qui est ahurissante. Ouais. Il y a des scènes de Londres redevenues sauvages hallucinantes. Et tu te dis, putain, 5 millions de dollars, le mec, il a un casting en or. La gamine qui joue l'héroïne est bluffante. J'ai vu en VF. Hein, donc je... Et surtout, l'histoire est bien foutue. Et l'histoire est bien foutue, effectivement. Pour un film de zombies, parce que ouais, ça fait un moment que le film de zombies. Ça fait partie de ces films de zombies, parfois, qu'on a pu faire Romero, où le cadre est zombie, mais le fond, c'est largement autre chose. Il y a une idée derrière, en gros. Mmh. Bah, c'est pareil que pour les films de vampires ou trucs de loup-garou ou quoi que ce soit, c'est que maintenant on est habitué aux versions explosives avec des trucs partout. Ah, c'est Underworld. Hein. Voilà, alors qu'à la base, ce qui avait fait que ces gens étaient intéressants, c'est qu'il y avait un fond derrière, et celui-là, il y a un fond. Il y a une vraie leçon derrière et tout, c'était génial. Et puis le coup, mettre les enfants en avant, il y a pas mal de scènes perturbantes, et tu te retournes toi-même au bout milieu du film en disant, oh putain, mais ils ont peut-être raison, et tu te retournes derrière parce qu'elle est quand même mignonne. et c'est vraiment bien, c'est vraiment, vraiment bien, et comme quoi on peut faire du film de genre et intelligent et bien foutu avec pas non plus des milliards. World War Z, pardon, 200 ouais, millions de dollars. Sans commentaire. Pff, ouais, voilà. C'était une merde monumentale. Ah, voilà, va prendre le son. Ah, le prochain est par David Finch, par contre, ouais, c'est un peu être, mais c'est à mon avis, ouais. Non, vraiment, allez-y, c'est cool. En parlant de films de genre un peu. Planète des singes. Oui, ouais. On l'est pas encore sorti, on l'a pas vu. Moi, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu, enfin, je sais pas si il est sorti en DVD déjà, c'est Graves, donc c'est un film de cannibale, mais belge. Et je pense que c'est un des films que j'ai vu qui m'a le plus marqué cette année. Donc c'est une histoire d'une jeune femme. Ah, dans ce cas-là, c'est grave alors. Ça suffit. Non, il l'appelle Graves. On ne sait pas. Voilà. Du coup, c'est une femme qui va rentrer dans une école de vétérinaire et elle subit. Elle est végétarienne et elle subit une espèce de bizutage. Et après ce bizutage, elle va avoir des tendances cannibales. Je vous en dis pas plus. Vraiment, si vous aimez le film de genre et le film, enfin, un espèce de mélange entre le film de genre et le film d'auteur, les scènes où vous commencez à sortir du truc en vous disant, c'est un peu malsain, c'est un peu dégueulasse. Franchement, regardez ce film, il est vraiment très très bien, il est vraiment très très beau, il est vraiment bien réalisé. C'est le premier film d'une Belge et je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est assez cool. Donc voilà, et moi je vais aller voir The Girl with All the Gifts, ça me tente beaucoup. Bertrand, est-ce que tu avais une attente, un coup de cœur? Actuellement, non, là c'est le début de mes vacances, donc je suis un peu déconnecté, faut que je me reconnecte un petit peu à la société. Okay. Non, c'est le principe des vacances, hein, justement. C'est ça. Et Juni ? Planète des singes. C'est fou, mais bon, alors j'avais déjà beaucoup aimé le premier, puis ce qui était une grosse surprise, parce que je m'attendais à un reboot absolument dégueulasse. Comme quoi, tu peux prendre une vieille franchise et faire des machins. Ah ouais, non, franchement, j'étais. Bon, il était pas extraordinaire non plus, mais le premier m'avait vraiment beaucoup plu. Le deuxième, par contre, je suis sorti, j'étais sur le cul. Et le troisième, je suis en attente, comme si j'étais une espèce de drogué qui avait pas eu sa coque depuis très très très longtemps. Internet rend pas la chose facile, parce que c'est à croire que le Messie est revenu, quoi. Chaque fois que je vois une critique du truc, c'est à croire que le critique est devenu fou et qu'il a vu Jésus à l'écran. C'est un truc de dingue. Du coup, je peux pas m'empêcher d'avoir envie, quoi. Je pense et que bah, le jour où il va sortir, je serai devant le cinéma avec ma seringue. Ouais. Je crois que c'est le 5 août, un truc comme ça. C'est début août, en tout cas. Ah bah voilà, je suis obligé d'attendre. Je peux pas. Tu peux aller voir Homecoming en attendant, qui a des super super bonnes critiques. J'ai vu pas mal de gens qui disaient et de gens qui sont vraiment critiques d'habitude dire que c'était le meilleur Spider-Man qu'ils avaient jamais vu. Donc c'est ça la bonne critique. Ouais, c'est ça la bonne critique. Oui, pourquoi pas. Oui. Ça a l'air facile quand même, mais bon. On verra bien. Allez, on verra bien. Bon, on vous laisse pour aujourd'hui. Après nous, il y a exceptionnellement, il y a un nouveau Sprint Chill qui va vous parler de Louis Nicolas. De quoi ? Tu veux le projet de Cujo à Ouais, mais non, on l'a dit la semaine dernière, c'est mort. Oui, donc il voulait parler du Jojo de comics. Excusez-moi. Malheureusement, on vous a parlé. C'est en reboot. Ouais, voilà, ils vont faire un reboot. On va vous laisser avec une chanson de toujours dans les mixtapes de Lumberjane. C'est Santa Gold, L-E-S artiste. Et sachez que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter, Facebook et sur Internet, comicsdiscovery.fr. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.